chaque instant, regarde cette araignée, cette fourmi, cette feuille. C'est la beauté du végétal. C'est la beauté. C'est la beauté. Quand tu me regardes comme ça dans les yeux, en direct, putain, la beauté, c'est la beauté du, c'est la beauté. Trop beau, trop fin. La beauté de mon enfant, la beauté de ton regard, mon regard, les yeux dans les yeux, comme Bonnie and Clyde, amoureux, absolu. La beauté, une fleur, le printemps. Conditional low. Such a quel point égocentrique, hyper narcissique. On est tous cas. Try with me. Try again. Nasty can tell you right now. Nasty can tell you right now. I got nasty beat makers, nasty on the turntables. I'm nasty on the MPC. Nasty on the. Experiment. About to share. I got nasty beat makers. Unconditional. Special. International love. Thank you.